Bonjour, Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre immersion scientifique hebdomadaire avec Futur Simple. Notre immersion scientifique aujourd'hui est aussi une excursion puisqu'elle va nous emmener en Arctique et en Afrique. En deuxième partie d'émission, nous irons à la rencontre de Aline Do, étudiante en Côte d'Ivoire, et de Resh Atipo, étudiant au Togo. Aline travaille sur le développement d'un plastique végétal et Resh étudie la prévention des inondations. Mais pour le moment, nous partons dans le nord du Québec, au Nunavik. C'est Anne-Renée Delicoli qui nous y emmène. Elle est infirmière depuis plusieurs années dans les communautés inuites du Nunavik et elle vient de terminer sa maîtrise en sciences infirmières. Elle travaille actuellement pour la chaire de recherche autochtone en soins infirmiers au Québec. Bonjour Anne-Renée. Bonjour Valérie. Alors pour nous situer un peu, est-ce que tu pourrais nous présenter cette chaire de recherche pour laquelle tu travailles? Oui, bien sûr. La chaire de recherche autochtone en soins infirmiers au Québec, c'est vraiment une chaire qui a pour mission de lutter contre le racisme systémique envers les personnes autochtones, notamment en visant l'équité et la sécurité culturelle dans les milieux de santé. Donc, cette chaire-là, c'est financée par le Fonds de recherche du Québec en santé et l'Institut de recherche en santé du Canada. Et c'est vraiment une recherche, une chaire, en fait, qui fait partie de 6 chaires au Canada du même nom, des chaires de recherche autochtones en soins infirmiers. C'est ça, partout au Canada. Puis, bien sûr, notre chaire a vraiment pour mission de travailler en étroite collaboration avec des personnes autochtones pour construire tous nos projets de recherche et notre principal partenaire, on est très heureux de travailler avec le regroupement du Centre d'amitié autochtone du Québec. D'accord. Donc là, tu as donné les principes, en fait, la mission de cette chaire. J'aimerais que tu nous donnes une petite définition de deux termes en particulier que tu as utilisé. C'est le racisme systémique, dont on entend quand même assez parler, mais qui reste assez flou. Et puis, sécurité culturelle. J'ai jamais entendu parler cette expression. Donc, peux-tu nous les démystifier? Effectivement, en fait, c'est vraiment des termes qu'on entend dans les deux dernières années, je dirais, là, qui ont vraiment été mis sur la place. Puis c'est vraiment des concepts qui sont peut-être un peu plus politiques, polarisants, je dirais. Ouais. Ça tenait vraiment aussi à vraiment faire une définition en fait de ce que c'est le racisme systémique, mais selon les données probantes, selon les concepts scientifiques. Je vais vous citer vraiment textuellement en fait la définition du racisme systémique qui est faite par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a été publiée en 2019. Donc, on dit que le racisme systémique, c'est vraiment une production sociale d'une inégalité fondée sur la race dans les décisions dont les gens font l'objet et les traitements qui leur sont dispensés. Donc, cette inégalité raciale-là est le résultat de l'organisation de la vie économique, culturelle, politique d'une société. C'est vraiment en fait le résultat de la combinaison de ce qui suit, donc une construction sociale des races comme réelles, différentes, inégales, donc vraiment une racialisation. Les normes, les processus, les prestations des services utilisés par ce même système social-là, donc plus ce qui est structurel. Puis finalement, on a les actions, les décisions des gens qui travaillent pour les systèmes sociaux, donc plus que ce qui est personnel. Donc, c'est vraiment ces combinaisons. Et là, je fais la fin de la citation textuelle. Donc, vraiment, le racisme systémique, là, si je vais un peu plus dans mes mots, ça veut pas dire que tout le monde est raciste systématiquement. C'est vraiment un concept qui dit que les systèmes sont faits pour la majorité et ne prennent pas en compte des besoins des minorités. Et ça, ça a vraiment comme conséquence que ces personnes-là, ces groupes de personnes-là, en fait, minoritaires, sont moins bien traitées par les systèmes parce que les systèmes sont faits pour la majorité et donc au Canada, par les Blancs. Puis je voulais aussi ajouter, au Québec, en fait, on a la chance d'avoir eu une commission d'enquête La commission est communément appelée commission bien sur les relations autochtones et certains services publics qui a eu lieu au Québec. Puis dans cette commission-là, on fait vraiment état d'une discrimination systémique vécue par les autochtones dans les systèmes de santé. Notamment, en fait, le commissaire à la fin est fortement critique pour tout ce qui est, moi j'ai regardé plus une navette, bien sûr, mais c'est vraiment état d'un sous-financement chronique du système de santé au Nunavik par le gouvernement du Québec, d'une offre de services qui est insuffisante, puis d'une qualité de soins inférieure. Donc, on a en fait cette grosse commission-là qui est des données qui sont très intéressantes, puis qui est les données probantes du fait de la réalité de ce qui se passe en fait au Québec. Donc ça, c'est pour le racisme systémique et pour la sécurité culturelle. Le concept de sécurité culturelle vient, en fait, c'est vraiment un concept qui est né d'une infirmière maori. Les infirmières maori, c'est autochtone de Nouvelle-Zélande. Puis, c'est un concept qui est né en 2002. Puis, elle, quand elle a fait son doctorat, cette infirmière-là, Ramsden, elle a vraiment dit que la sécurité culturelle, ça vient de l'importance, en fait, de créer, bien sûr, des environnements sécuritaires, de contrer les enjeux de pouvoir, la discrimination et le racisme lié au colonialisme au sein des systèmes de santé. Donc, c'est vraiment un concept très complexe, puis multidimensionnel. Donc, ça vise vraiment autant au niveau personnel, autant les structures organisationnelles, c'est vraiment à tous les niveaux. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est un concept qui est souvent confondu par ce qu'on appelle la sensibilité culturelle. Donc, par exemple, la sensibilité culturelle, qui pourrait être de respecter les croyances, les différentes valeurs culturelles avec les personnes autochtones. Donc, on s'entend bien sûr que la sensibilité culturelle va faire partie de la sécurité culturelle, mais ce n'est pas les mêmes concepts. Puis la sécurité culturelle, c'est vraiment un processus, c'est beaucoup plus complexe, puis on veut vraiment placer au cœur les enjeux de pouvoir et le racisme. Donc là, on a mis un petit peu, on a jeté les bases un petit peu de la discussion, mais maintenant on va pouvoir rentrer un peu plus dans le sujet de ta recherche. Donc, ta recherche qui porte sur les iniquités de santé que vivent les personnes autochtones. Mais en fait, c'est à dire aussi autochtones, là, quand on va parler de personnes autochtones, c'est vraiment les Premières Nations, les Métis et Inuits. Puis au Canada, en fait, ces personnes-là, c'est l'un des groupes qui sont le plus durement touchés par les inéquités de santé. Donc, j'aime toujours donner quelques chiffres, hein, parce qu'on vient, c'est des exemples qui sont assez visuels. Donc, en santé, quand on parle d'inéquité de santé, on prend beaucoup l'espérance de vie pour se situer dans les inéquités. Puis, au Canada, l'espérance de vie des personnes autochtones est environ 5 fois inférieure au reste de la population canadienne. Puis, pour ce qui est des Inuits, plus particulièrement, on parle vraiment d'une différence qui est environ de 10 ans inférieure au reste de la population canadienne. C'est beaucoup, 10 ans. Oui, c'est vraiment beaucoup. Puis ces différences-là sont vraiment expliquées par les inéquités. Donc, comme j'ai dit, la pauvreté, la qualité de soins qui est inférieure, le manque d'accessibilité aussi à des soins de services de santé. Puis aussi, on dit que les hommes autochtones qui sont 2 fois plus susceptibles de mourir de causes évitables et les femmes autochtones sont 2,5 fois plus susceptibles de mourir de causes évitables. Puis là, quand on dit causes évitables, c'est vraiment des causes qui, ça dit, là, sont évitables. Donc, c'est profondément injuste, ça pourrait être évité. Puis c'est vraiment à ce moment-là, quand on dit que ça pourrait être évité, qu'on parle d'iniquité de santé. Et est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de ces causes qui conduisent à ces iniquités? Les iniquités, c'est vraiment comme une différence entre des groupes de personnes. Donc, ici, aujourd'hui, on va parler des différences entre les personnes qui sont autochtones et les personnes qui sont non autochtones. Puis, cette différence-là, comme j'ai dit, c'est une différence qui est socialement construite et évitable. Fait que c'est vraiment des différences qui sont injustes, qui empêchent en fait les personnes autochtones d'accéder aux différentes possibilités qui leur permettraient d'atteindre en fait la santé et de vivre en santé. Donc, encore là, des exemples, on parle de l'accessibilité à l'eau potable, qui est encore très une réalité qui est très, très, très présente dans les communautés autochtones. Le logement sécuritaire et accessible, il y a une grosse problématique de surpeuplement de logements dans les communautés autochtones, un système de santé avec des soins de qualité. Puis moi, bien sûr, que encore le côté inuit, j'ai un autre exemple aussi qui est vraiment qui m'a toujours choquée, puis je trouve que c'est frappant la façon que c'est injuste. C'est le taux de tuberculose, en fait, chez les Inuits. La tuberculose, c'est vraiment une maladie respiratoire que l'on retrouve, en fait, principalement dans les pays sous-développés et qui n'existe plus, en fait, qui a été complètement éliminée dans la plupart des pays riches, comme le Canada. Sauf que la tuberculose est 300 fois plus élevée chez les Inuits qu'ailleurs que le reste de la population canadienne. Puis, ce qui est injuste là-dedans, c'est qu'une des raisons principales de ce taux élevé-là, c'est vraiment causé par le manque de logement. Donc, la surpopulation de logements dans le nord, le fait que les logements sont vraiment mal aérés, parfois insalubres, bien ça serait, quand je dis que c'est évitable, en fait, c'est si on pourrait construire plus de logements, ben on s'attaquerait directement aussi à la tuberculose qui est encore très, très, très présente chez les Inuits. Oui, c'est quand même assez stupéfiant qu'il y ait un tel taux de tuberculose, alors qu'effectivement, on a les moyens de l'éviter si on le veut. Oui, Effectivement. exactement. Alors, venons-en à ton projet de recherche. Est-ce qu'il porte justement sur les iniquités vécues par les Inuits? Oui, en fait, ben oui, mais il y a un petit twist. En fait, ça porte sur les unités vécues par les Inuits, mais je suis vraiment allée chercher la perspective des infirmières, en fait, qui travaillent dans les communautés. Donc, je suis vraiment allée chercher la perspective de ces infirmières-là parce que il faut savoir qu'au Nunavik, en fait, c'est, je dirais, 99,9% des infirmières qui sont pas inuites. Fait que c'est ça qui m'intéressait en fait que je voulais vraiment savoir comment les infirmières définissaient ce qu'étaient des soins équitables, c'était quoi leurs défis au quotidien, c'était quoi les stratégies qu'elles utilisaient. Donc c'était vraiment voir la perception d'infirmières qui sont non inuits, non autochtones, puis voir si on avait des angles morts quand on avait des soins aux Inuits. Et dis-nous, Anne Relais, en fait, pourquoi ce sujet t'intéressait en particulier? Pourquoi t'as décidé de faire ta recherche sur les soins équitables? Oui, ben en fait, ça vient vraiment de mon expérience personnelle, je crois, là. Fait que c'est sûr que le fait d'avoir travaillé comme Combien de temps finalement? T'as travaillé pendant combien de temps dans le Nord? j'ai travaillé pendant 4 ans. Ouais, il y a de l'expérience. Oui, en fait, oui, je me considère comme c'est cela, avoir travaillé plusieurs années. J'ai vraiment cette conscience-là de la réalité unique, le fait d'avoir travaillé dans des régions isolées. Puis c'est vraiment, en fait, je dis souvent que je suis tombée en amour, là. Je suis tombée en amour avec les communautés inuites, je suis tombée en amour avec mon travail là-bas. Mais en même temps, il y avait tout le temps ce gros feeling-là, en fait, d'impuissance, d'injustice, de remise en question. Est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce que, tu sais, c'était tout le temps des remises en question. Puis c'est vraiment ça qui m'a amenée à faire mon travail, mon projet de recherche. Ouais. Alors, rapidement, est-ce que tu peux nous résumer quelques résultats de ton projet de recherche? Oui, rapidement. En fait, un de mes résultats principaux que je trouve vraiment important de mentionner, c'est vraiment que au niveau de la conception de l'équité, quand j'ai demandé aux infirmières, définis-moi c'est quoi des soins équitables, comment tu t'assures de donner des soins équitables aux patients inuits, en fait, j'ai vu vraiment une différence de conception. Donc, la plupart, j'ai vu une grosse majorité de mes participants qui avaient une conception qui se rapprochait vraiment de l'égalité. Donc, on disait, ben moi, pour moi, l'équité, c'est de donner les mêmes soins à tout le monde. C'est pas parce qu'ils sont inuits que je vais donner des soins différents. Donc, oui, ils ont les mêmes droits aux mêmes soins. Donc, vraiment basé sur l'égalité. Tandis que d'autres participants avaient vraiment une conception de l'équité qui était beaucoup plus critique. Donc, on avait des remises en question, des façons de faire. On voyait aussi beaucoup plus les inéquités dans le contexte qui était le Nunavik. Donc, on le voyait plus facilement là, de comment ça pouvait se traduire, toutes ces inéquités-là. C'est vraiment ces intervenants-là qui avaient une conscience critique, là, qui remettaient en question, qui me parlaient aussi des différents défis reliés au système qu'ils trouvaient trop rigide ou au système qui était fait par les Blancs. Puis finalement, c'est ça, c'est elle qui me donnait aussi des stratégies. Une des grosses stratégies qui est ressortie, c'est vraiment bien sûr de créer cette relation-là de confiance avec les communautés, que ça prend du temps, mais c'est important. Puis c'est de toujours supporter les actions locales, puis de toujours se laisser guider, l'idée par les communautés inuites et par ce qu'ils veulent. Fait que c'était pas mal ça, si je résume rapidement. Mais Anne-Renée, j'ai une question qui me vient parce que tu disais que le système de santé est construit par et pour les Blancs, mais dans le fond, le système de recherche, dans son fonctionnement aussi, il est construit par les Blancs. Donc, comment s'assurer que les recherches qu'on mène dans le Nord soient construites pour les Autochtones? Oui, ça c'est la grosse question hein, qui pourrait faire partie de notre capsule. Mais en fait, tu sais, je dirais rapidement, bien sûr, tu sais, on a tout le temps priorisé au Canada, encore là, les types de savoir, notre vision du monde sont souvent basées sur celle de la majorité. Par exemple, moi, en recherche en sciences de la santé, on a vraiment une vision de la santé souvent qui est très, très, très biomédical. Donc, la santé, c'est l'absence de maladie. On est souvent très aussi compartimenté on va regarder, bon, ben, on a un problème cardiaque, on va rester dans le problème cardiaque, on va régler la maladie cardiaque. Donc, c'est très compartimenté, très biomédical, occidental comme vision de faire, tandis que la vision de la santé autochtone, ben, on parle beaucoup d'une vision beaucoup plus holistique. Donc ça va se répercuter en fait dans les types de savoirs, dans les types de recherches qu'on va faire. Puis, je tiens à dire aussi que je suis une jeune chercheure, là, donc c'est vraiment mon opinion personnelle sur la question. Mais je pense qu'une des belles avenues qu'on peut voir, c'est vraiment les approches participatives de type recherche-action. Fait que c'est vraiment ça, ces approches-là, c'est vraiment un type d'approche qui vise à inclure les communautés dès le début et dans toutes les étapes de la recherche. Donc, par exemple, d'avoir un aîné qui va être le gardien du savoir dans toutes les étapes du projet de recherche. Et ça, le fait d'impliquer ces partenaires-là clés, en fait, des communautés, dès le début, ça fait que c'est eux qui vont être impliqués pour formuler les questions de recherche, leurs priorités aussi, puis leurs besoins en recherche. Donc, souvent, on a tendance à les impliquer comme au milieu ou en collecte de données. Fait que c'est vraiment, en fait, des belles avenues, je trouve, qu'on voit de plus en plus. Puis, c'est sûr que je pense que la représentation autochtone dans la recherche autochtone est l'avenue. D'avoir leur voix, leur vision, leur méthodologie. Fait que ça, je pense que ça serait important dans l'avenir de favoriser et supporter ça surtout. Oui, absolument. Et dernière question, vraiment très rapide, Anne-Renée. Pour la plupart d'entre nous, en fait, qui ne connaissons pas les peuples autochtones, comment est-ce qu'on pourrait se sentir plus concerné par ces problématiques? Ben en fait, ben moi je suis peut-être un peu biaisée là, mais ou mon monde de licorne là, j'aime bien dire que tout le monde en fait devrait se sentir concerné par les inéquités de santé que vivent les personnes autochtones, les réalités autochtones. Je crois vraiment que ça fait partie de notre devoir de citoyen. Moi j'aspire aussi à une société qui met en priorité les valeurs d'équité et de justice sociale. Au Québec, je pense qu'on pourrait faire ça. Fait que pour moi, la base, ça serait que tout le monde, on fasse nos devoirs de citoyens et qu'on s'éduque. Puis, il existe en fait de plus en plus d'outils qui vulgarisent très bien l'histoire, les enjeux que les personnes autochtones vivent. Puis, bien sûr, je pense que la culture, puis l'ouverture va passer par, pour moi, tout ce qui est artistes autochtones. Fait que j'encourage tout le temps le monde à aller découvrir les communautés, d'aller dans les powwows, d'acheter les livres, la musique, les bijoux d'artistes autochtones. Puis je pense qu'au Québec, encore là, on est vraiment très chanceux parce que cette culture-là est encore très, très, très vivante. Pour moi, ça me fait vibrer, en fait, là. Fait que je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir se sentir tous concernés puis essayer de vraiment viser cette société qui est plus juste envers nos peuples autochtones. Eh bien, justement, on va écouter un peu de cette musique autochtone avec une pièce de Béatrice Dia, une chanteuse-compositrice du Nunavik. Voilà, c'était donc Béatrice Dire. Merci beaucoup, Anne-Renée, de nous avoir plongé dans le monde autochtone et de nous avoir révélé les iniquités que vivent les Inuits en matière de santé. Merci, Anne-Renée. Merci de l'invitation.